de peau, mais c'était comme mon refrain. Le seul qui m'appelait le soir quand j'avais pris du ferme. Je pouvais tirer pour lui, il pouvait faire la même pour moi. Main dans la main à deux, on voulait sortir du trou noir. Je partais de droite à gauche, il tenait pour aller tout droit. Aujourd'hui c'est sur lui que je sens le fer. Et dire qu'avant tout ça, on s'est jamais fait de coups bas. Me dis pas que c'est pour une histoire de fesses. Te voyais parler avec les mecs d'à côté. Tu faisais comme s'il y avait rien. Trop gourmand, t'as voulu me mettre sous le côté. J'compte revenir sous la R1. Les bons comptes sont les bons amis. On passe vite du rire aux larmes. J'dormais chez toi, maintenant on s'allume. Que Dieu me pardonne si j'enlève ton âme. On se connaissait depuis la primaire. T'étais mon frère, on se quittait jamais. Aujourd'hui je suis à deux doigts te supprimer. J'en doute pourtant que ça part en drame. On mangeait ensemble et toi t'as tout pris. Je meurs d'envie de voir étouffer. Et peut-être au bout du compte on s'est mal compris. Y'a plus de solution, faut prendre la merde. Y'a plus de retour en arrière. Ce qui est fait, fait, c'est regrettable. Et dire qu'on ne peut plus communiquer. Non, non. Y'a plus de solution, faut prendre les armes. Et ça sera toi ou moi, on verra où ça mène. Regarde où on en est, et dire qu'on serait les rois. À deux on niquait tout, les autres avaient la haine. Mais t'as voulu me la mettre, et garder tout pour toi. J'te voyais parler avec les mecs d'à côté. Tu faisais comme s'il y avait rien. Trop gourmand, t'as voulu me mettre sur le côté. J'compte revenir sur la R1. Les bons comptes sont les bons amis. On passe vite du rire aux larmes. J'dormais chez toi, maintenant on s'allume. Que Dieu me pardonne si j'enlève ton âme. On se connaissait depuis la primaire. T'étais mon frère, on se quittait jamais. Aujourd'hui je suis à deux doigts te supprimer. J'en doute pour toi que ça parte en drame. On mangeait ensemble et toi t'as tout pris. Je meurs d'envie de voir étouffer. Et peut-être au bout du compte on s'est mal compris. Y'a plus de solution, faut prendre les armes.